Et si l'histoire de l'humanité n'était tout compte fait qu'une histoire de combustion? Si, comme de nombreux paléoanthropologues le pensent, la domestication du feu et avec elle la cuisson des aliments, l'optimisation de la mastication et de la digestion et donc la libération de place pour le développement d'un cerveau d'une part, mais aussi la constitution d'un foyer, c'est-à-dire d'un espace social autour duquel peut se retrouver le groupe, et si c'était cet acte fondateur qui avait fait de nous ce que nous sommes, qui nous avait fait basculer de l'animal vers l'humain, cette hypothèse, pour séduisante qu'elle soit, continue de nous échapper, car en paléontologie comme ailleurs, il n'y a pas plus insaisissable que le feu. Domestication du feu, une histoire brûlante, c'est l'histoire que nous allons tenter de vous conter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous conter cette histoire au coin du feu, puisque quel meilleur endroit pour raconter une histoire finalement, nos deux invités en conviendront aisément. Bonjour Ramiro March. Bonjour. Vous êtes préhistorien chargé de recherche CNRS au Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et Histoire de l'Université de Rennes. Bonjour Antoine Balzo. Bonjour. Vous êtes paléoanthropologue chargé de recherche CNRS, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur entre autres de 33 idées reçues sur la préhistoire que vous avez coécrit avec Olivier Marc Nadel, c'est aux éditions Belin. Ceci étant dit, vous pouvez suivre l'émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc. Pour commencer, eh bien, cette question toute simple, Ramiro March, Antoine Balzo, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'étudier la domestication du feu en paléontologie, en paléanthropologie? Ouais. Ramiro March, ouais, allez. En fait, le problème, c'est d'abord cette insensibilité qu'il y a le feu. D'accord. Le fait que c'est une réaction physico-chimique, on ne peut pas la retrouver dans les sites archéologiques, donc il faut qu'on s'attache à l'étude des traces que cette utilisation a laissées dans le contexte archéologique. Et donc, cette problématique a vachement évolué dans le temps. Et au début, on essayait toujours de trouver des traces du feu présentes sur les sites. Et c'est très compliqué, vu l'ancienneté de site, les processus qui sont arrivés à ces gisements au fur et à mesure que les processus naturels ils ont transformé ces signatures originales. Donc, on a dû commencer à faire un travail scientifique plus poussé, interdisciplinaire, en appelant aux critères des physiciens, des chimistes, des paléanthropologues, et travailler tous ensemble pour essayer de générer un faisceau de preuves qui puissent indiquer si le feu était utilisé ou pas d'abord, et après domestiqué, parce qu'il y a deux phases différentes. On considère qu'il y a une phase dans laquelle le feu a été utilisé au tout début, et après une phase dans laquelle le feu a été vraiment domestiqué et employé et pour la constitution de la vie sociale et intégré dans notre culture, en fait. Antoine Balzo, pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver ces traces qu'aurait laissé le feu? La préhistoire, c'est pas une science facile parce qu'on travaille sur des objets qui sont fragmentaires, qui sont rares et qu'on essaye de comprendre. Alors quand on trouve des os, des outils, on peut imaginer ce qui s'est passé, comment les hommes ont vécu, quelle forme ils avaient. Les comportements, malheureusement, ils se fossilisent pas quand il s'agit de comprendre le langage, la manière dont vivent ensemble les hommes ou leurs activités pratiques. C'est beaucoup plus compliqué. Le feu, c'est en fait à la limite entre les deux. C'est un comportement très complexe. C'est très difficile d'arriver à retracer l'ensemble de la procédure qui permet de le faire, aussi bien intellectuellement que techniquement. Mais c'est quelque chose qui va quand même laisser une trace et c'est ce qui nous sauve parce qu'on arrive à en voir des éléments et à pouvoir l'étudier. Et ça fait partie des choses qu'on arrive à comprendre, à étudier, qu'on essaye de corréler avec tout le reste, aussi bien l'évolution de l'homme, les comportements, les différentes espèces, l'environnement. Donc c'est un champ passionnant et très très large. Alors quelles sont les traces archéologiques que l'on cherche, Ramiro March, quand on cherche les traces du feu? En fait, on va d'abord chercher à trouver tout ce qui a été transformé par la chaleur. Donc tout élément que l'homme aurait pu utiliser ou que le feu aurait pu affecter et depuis les périodes les plus anciennes. Par exemple Des os brûlés, des roches brûlées, par exemple des éléments de taille que l'homme a produits qui ont été brûlés après leur utilisation, ou même préparés par la chaleur pour leur préparation. Et il y a aussi des restes de charbon de bois, qu'on peut trouver à certains endroits, dans les temps très anciens fossilisés et après mieux conservés, et qui peuvent indiquer que le feu est présent sur le site. Il y a les taches du sol, thermoaltérées par l'action du feu, qui sont aussi des très bons indicateurs et qui sont très recherchés parce qu'ils prouvent vraiment le fait qu'il y a eu un feu à l'intérieur d'un campement. Hein. Donc, c'est plus ou moins cette gamme de vestiges. Mais en fait, on suit, comme tu disais tout à l'heure, on suit des pistes et des traces, hein, comme des filets de bave qui restent dans l'histoire, un peu comme Carlo Gismour disait ça pour l'histoire. Hein. Mmh. Et on essaye de reconstituer l'absent. C'est-à-dire parce que trouver le feu à lui-même, c'est difficile dans les périodes les plus anciennes. Donc on va essayer de chercher ces traces autour pour dire il est là. En fait, même si on ne les voit pas, même si on ne les trouve pas, il était présent et les hommes auraient pu l'utiliser. Et justement, est-ce que c'est facile ou pas, vraisemblablement pas, de discriminer l'usage d'un feu qui aurait été un feu capturé, un feu accidentel, d'un feu qui est vraiment domestiqué? Quels sont les indices qui peuvent discriminer l'un de l'autre, Antoine Balzo? Alors là, c'est une question à multiples tiroirs parce que... On a une heure devant nous, allez-y. Ouvrons-les. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir une heure sur le sujet quand même, mais on peut essayer. Non, ce qui est intéressant avec cette question-là, c'est qu'elle reflète beaucoup de conceptions qu'on a en préhistoire et de manière d'étudier la préhistoire. On a bâti cette histoire des hommes du passé à partir de nos préconceptions, de ce qu'on imagine, de leur manière de vivre et d'évoluer. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de concepts qu'on a plaqués en faisant de l'actualisme sur les hommes du passé, sur ce qu'on imagine de ce qu'ils étaient capables de faire. Ce qui fait que la notion d'être capable de produire le feu, d'être capable de l'attraper, de le récupérer, évidemment que ça a dû arriver... dans un certain ordre que les premiers hommes n'ont pas conçu eux-mêmes et n'ont pas appris à le reproduire et l'enseigner, etc. Ça s'est fait au fur et à mesure. Mais on essaye de trouver des traces de ça et je suis pas certain qu'on ait la capacité de le faire. Arriver à identifier ce qui est un feu totalement par hasard, si c'est un immense incendie, c'est possible. Ça laisse des traces assez marquantes. Arriver à identifier quand les hommes ont du feu tout le temps et que visiblement ils habitent et qu'ils l'utilisent régulièrement, c'est faisable aussi. Ce qui est entre les deux, des utilisations ponctuelles, des incendies, savoir si ça a été récupéré ou fabriqué avec des capacités, ça ressort pas mal de l'interprétation qu'on en fait aussi, et c'est compliqué de vraiment connaître ça. Et c'est pour ça que c'est à la fois très important de développer tout un ensemble d'approches, et aujourd'hui on a des progrès technologiques qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin, mais aussi de prendre du recul dans tout ce qu'on essaye d'interpréter des comportements des hommes préhistoriques et ne pas croire qu'à chaque fois qu'on trouvera un site, on sera capable de détailler tout ce qui s'est passé à la seconde près et à la capacité près de chaque homme qui y a vécu. Rami Romarche, votre réponse à cette question sur la discrimination, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'il y a des endroits, il y a des traces indiscutables de domestication et d'autres qui laissent effectivement plus libre cours à l'interprétation? Là encore, ça a beaucoup évolué. Et c'est qu'au début, on cherchait à prouver la présence du feu. Et après, la question de l'anthropicité du feu est arrivée. C'est-à-dire, est-ce que l'homme l'a fait vraiment, ces feux-là, ces traces qu'on trouve? Est-ce que ce ne sont pas des traces accidentelles? Et avec l'arrivée de la taphonomie et de toute l'histoire des processus de formation des sites, on a rapidement compris qu'il y avait plein d'éléments qui provenaient des phénomènes naturels et qui ne pouvaient pas... On ne pouvait pas extrapoler directement toute présence d'éléments altérés à une activité humaine intentionnelle. Donc... À partir de là, on a développé des méthodes. La plupart des gens travaillent sur des méthodes, comme tu disais tout à l'heure, actualistes. C'est-à-dire, on fait de l'expérimentation, on essaye de reconstituer du feu et voir quelles traces il va laisser sur certains environnements. Et à partir de ces traces, essayer de prouver que ces traces-là sont bien anthropiques, ils sont différenciés d'autres traces naturelles, comme des incendies de forêt, des éclairs qui auraient pu tomber à un endroit donné ou à un autre, ou des feux de savane, etc., etc., qui sont censés laisser des traces qui sont sensiblement différentes. Peut-être, oui, Antoine Balzo. Un exemple aussi assez figuratif de combien on transpose des choses et le cadre conceptuel qu'on peut avoir, c'est qu'il y a débat depuis toujours sur l'intentionnalité et la réalité du feu. Quel que soit, enfin si, les sites plus récents, on sera tous d'accord, et encore, les sites les plus anciens, il y a des débats énormes. Et ce qui est surprenant, c'est que, par exemple, pour Néandertal, où globalement, il y a normalement plus trop de débats, parce qu'on a une multitude de sites avec une multitude de foyers, il y a encore un groupe non négligeable de chercheurs qui dit que Néandertal n'en était pas capable et ne faisait que le récupérer. Des articles ont été publiés il y a moins d'un an où ils s'appuient sur des données assez partielles de quelques sites pour arriver à la conclusion que quand il faisait meilleur, il y avait plus d'incendies, donc ils récupéraient le feu, et quand il faisait froid, ils étaient tellement bêtes qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Ce qui est une préconception absolue, c'est pas une analyse sérieuse des données. Et c'est surprenant comme aujourd'hui encore, on peut à ce point s'appuyer sur des données, des idées qu'on peut se faire, au-delà des données scientifiques qui existent. Il faut rappeler que vous êtes un fervent défenseur de Néandertal. Vous avez reçu d'ailleurs à cette occasion une émission dont on va remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC. Peut-être dire aujourd'hui un mot, simplement, y a-t-il un consensus? Et si oui, quel est-il sur la période de domestication du feu, c'est-à-dire la capacité du genre homo à produire du feu et pas juste le récupérer d'un feu accidentel? Ramiro March. C'est une question très pertinente et à la fois c'est une question qu'on n'a jamais résolue. Et on toujours dit qu'il y a une espèce de... Dans les paradigmes actuels, si vous voulez, on soutient que le feu est apparu de façon domestique à partir de 400 000 ans, 300 000 ans, ça dépend des auteurs, mais on fluctue entre 400 000 et 300 000, disons, pour dire, bon, là, c'est domestiqué, c'est clair et net. Et tout ce qui est avant, c'est mis en question. Et ça va de pair, puisque j'ai un collègue qui travaille sur l'hominisation aussi, et sur cet aspect de l'homme est vraiment homme. On est vraiment sapiens déjà, on est en train de pratiquer ces feux-là, ou non. Et ça va aussi avec charognard chasseur, par exemple. Et on mange ce qu'on retrouve, et où on les fait cuire. Et si on les fait cuire, c'est-à-dire qu'il y a une activité qu'on a produite après. Donc, et à chaque fois, ce débat a été mené autour de ça. Par exemple, sur le choucoutien, que c'est un cas classique dans lequel on y va et on revient. C'est-à-dire? Choucoutien, c'est un site en Chine qui a été un des premiers sites dans lesquels les témoignages de feu ont été évoqués comme véritables et qui a été remis en question... 425 000 ans, hein, c'est ça? Oui, plus ou moins 425 000 ans, mais il a été mis en question à propos de l'anthropicité, la véritable présence du feu dans ces sites, et on a fait des allers-retours innommable sur ça, qui était lié à ça. Et vous en avez des articles aujourd'hui publiés qui disent qu'il n'y en a pas de traces du feu valable dans ces sites-là d'origine anthropique. Et vous avez toutes les écoles chinoises qui s'efforcent à prouver que les traces sont véritables. Et ils ont refouillé le site il n'y a pas longtemps, un an. Ils ont publié un article dans lequel ils montrent qu'ils ont trouvé des structures de combustion sur place avec des foyers en pierre qui relancent les débats complètement. Mais ces débats-là étaient provoqués par l'école américaine Binford, qui avait mis en question que ces feux étaient des feux réels, parce que derrière il y avait cette discussion, est-ce qu'on est vraiment chasseur à cette époque-là ou on est encore charognard à cette époque-là? Et donc ça, les choses se mêlent, mais ça se mêle aussi dans nos mythes et nos façons de concevoir le monde, hein. C'est comme ça. Antoine Balzo, sur cette question du consensus, autour de 400 000 ans, il y a tout de même une somme d'études qui laisse montrer de fouilles, de preuves archéologiques qui laissent entendre qu'aux alentours de cette période, avec évidemment une marge d'erreur, les différentes populations de dominidés qui étaient sur Terre maîtrisaient plus ou moins le feu. Ouais, j'ai mis tous les guillemets possibles et imaginables. Ça en fait beaucoup. Alors, comment prendre dans l'ordre sans les conditionnels? En fait, il y a un certain nombre d'évidences autour de cette période-là. Plusieurs sites datés autour de 400 000 ans avec des traces de feu. Et c'est pour ça que cette date-là, elle est globalement retenue. C'est qu'on a 3-4 endroits à travers le monde où il y a le feu. Ce qui fait que ça a été, et puis trouvé France, il y a notamment un moment, et en France, ce qui fait que ça a été à peu près accepté grâce à ça. Ce qui est amusant, c'est que tout site plus ancien que ça, découvert, à chaque fois, il y a des critiques absolues sur le principe que le feu n'est apparu qu'à 400 000 ans. Ce qui est un raisonnement complètement faible. C'est pas parce qu'on a décidé, nous, que c'est à ce moment-là qu'il n'y en a pas eu avant. Ouais. Et je crois qu'il y a un certain nombre de sites où ça semble assez sérieux pour des traces de feu plus anciens que ça. Mais c'est qu'on est toujours dans cette logique-là de penser qu'en préhistoire, en évolution humaine, on va trouver la première évidence, la première fois quelque chose s'est fait. ce qui est complètement utopique. C'est impossible de trouver la première apparition d'un événement. On trouve des traces très très rares qui sont représentatives de populations très faibles. La probabilité de tomber sur la première fois où un gars a eu l'idée de faire du feu, elle est quasiment nulle. C'est impossible, oui, totalement. C'est inimaginable. Et ce qui fait que se dire que parce qu'on a plusieurs sites à 400 000 ans, c'est le début, non, ça veut dire que c'est justement le moment où ça s'est bien développé et où il y en avait tellement partout qu'on en a des évidences dans l'enregistrement archéologique. Ça veut dire que c'est beaucoup plus vieux que ça, c'est une certitude, sans qu'on sache si c'est 500, 600, 800 ou plus. C'est ça qui est compliqué. Les traces archéologiques les plus anciennes qui soient attestées, elles remontent à quand? Est-ce qu'on sait? On parle de domestiques ou de... Non, pas domestiques, des traces d'utilisation du feu. Ça peut aller jusqu'à 1 700 000 ans. La grotte d'Afrique du Sud. Hein. Surtout en Afrique du Sud. Oui. D'ailleurs, si on regarde les cartes de ces témoignages, on voit bien que les plus anciens sont en Afrique du Sud. Après, on arrive aux périodes entre 700 000 et 400 000 ans qui sont plus ou moins Afrique du Nord, Moyen-Orient, et après, entre 400 000 ans et période récente, on va retrouver beaucoup, beaucoup de sites en Europe, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui a à voir avec notre métier. C'est-à-dire que notre métier a travaillé à chercher l'origine de l'homme. Et donc, quand on cherche l'origine de l'homme, on cherche des traces. Au début, on ne suppose pas qu'on va voir autre chose. Et vous savez, au début, les archéologues qui fouillaient ces sites, qui sont très anciens, qui sont en train d'être refouillés aujourd'hui, parce qu'on revisite nos sites, ils n'avaient pas le même regard qu'on a aujourd'hui des choses. Donc parfois, ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé de témoignages évidents. Et maintenant, quand ils reviennent avec toutes les nouvelles méthodes, toutes les nouvelles questions qu'on se pose, comme les analyses micromorphologiques, les problèmes d'archéomagnétisme, etc., etc., ils commencent à trouver des vestiges. Et d'ailleurs, ils essayent de trouver des traces de concordance. C'est-à-dire, plus de vestiges il y en a, plus fort est l'évidence de que ce feu existait sur place. Et après, bon, il y a la discussion de tout à l'heure, non? Est-ce que c'est anthropique ou domestique ou simplement accidentel de temps en temps? Mais je voulais revenir sur un point qu'il a dit. Bien sûr. Dans les faits, bon, tu as complètement raison. Chercher à trouver la première fois, c'est absurde. Et d'ailleurs, pourquoi une seule première fois? Oui. Pourquoi n'a pas pu se produire à plusieurs reprises un peu à différents endroits du monde? La question de l'apparition simultanée, qui est une question classique en évolutionnisme. Mais oui, et il aurait pu arriver. Surtout si on tient en compte que les théories sur l'origine de cette première approximation au feu est reliée au phénomène naturel, comme dans les mythes. J'insiste, c'est comme dans les mythes. Prométhée. Mais, ouais. pour parler des mythes occidentaux, ouais, parce que dans tous les mythes, vous le notez très bien, Marie Remarge, dans tous les mythes, le feu est toujours volé d'ailleurs. Hein. Ouais, dans ouais, la plupart des mythes humains, le feu est volé. Il est volé à la nature. Et si on cherche dans nos articles scientifiques, ce qu'on dit aujourd'hui, on dit éclair, volcan, feu de savane. Bon, c'est plus ou moins la même chose qui figure dans les mythes, hein. C'est assez intéressant. Mais de l'autre côté, bon, feu de savane, bon d'accord, c'est une région du monde très particulière, mais on a plusieurs régions du monde qui ont les mêmes climats et dans lesquelles on aurait pu trouver les mêmes phénomènes. Des zones à éclair, il y en a pas mal dans le monde aussi, on aurait pu trouver aussi. D'ailleurs, à Ménez-Drégan, il y a toute une étude récente qui est faite sur essayer de chercher ces éclairs. Ménez-Drégan, qui est le site dans le Finistère, en Bretagne. Le site dans Finistère, en France, qui a 350 000 ans, plus ou moins, à plusieurs niveaux de datation, même des foyers qui vont au-delà, 400-515, et des témoignages de l'action du feu. On essaye de chercher à voir s'il y a des phénomènes d'éclairs qui auraient pu impacter sur ces structures. Mais indépendamment de ça, bon, donc, comme j'ai dit, il y a différents endroits dans lesquels les mêmes circonstances, des volcans, on en a un peu partout dans la planète, hein, donc on aurait pu trouver aussi d'autres endroits dans lesquels ce feu aurait pu émerger, quoi. Pas une seule fois, d'accord? Mais ça suit l'histoire du lignage humain, vous voyez ce que je veux dire? Donc on dit, bon, c'est ça qu'on suit le fil de l'homme, en fait. Et la question corollaire qui se pose, c'est quelle espèce d'homo a commencer à maîtriser, à capturer, à domestiquer, là aussi, c'est une vaste question qui fait énormément débat, Antoine Balzo. On n'a pas encore retrouvé un bonhomme avec un briquet. Non. Les incendiaires ne sont pas connus avec certitude, ni de photos. C'est difficile. Là, ça rejoint la question de la date, forcément. Les espèces humaines ne sont pas les mêmes il y a 400 000 ans qu'il y a 800 000 ans ou qu'il y a 200 000 ans. Il y a dans cette question aussi un biais qui est que le refus de certains que le feu puisse être très ancien, c'est aussi lié à l'idée qu'il n'y a que nous, ou que des hommes très proches de nous qui auraient été capables de le faire. Sapiens est... Néandertal, pour dire ça vite. Oui, c'est même d'ailleurs pour ça que certains excluent même Néandertal d'être capable de le faire, ce qui fait qu'il ne reste plus que Sapiens, et qu'il y a un biais énorme sur ça. Et Zhoukoutienne, c'est un très très bon exemple, parce que c'est un site chinois où il y a des traces depuis très longtemps, et où c'est un refus par une partie de la communauté sans forcément avoir vu les données. Moi, j'y suis pas allé, je connais pas le site, je vois les articles, j'avoue que j'ai pas trop d'avis, je peux pas trancher entre les approches. Mais imaginez qu'Homo erectus, que cette espèce humaine si ancienne, considérée si archaïque, ait pu faire le feu, c'est parfois assez choquant pour certains chercheurs. Alors que visiblement, pourtant, on a une évidence de feu au moins contemporaine à eux et puis dans différentes régions du monde. Et pour enchaîner avec ce qu'il dit, par rapport au Néandertal, on discute sur la structuration de l'espace, est-ce qu'il a vraiment une organisation sociale, etc., etc. Et moi, j'ai travaillé à El Salt, en Espagne, sur un site Néandertal de plus ou moins 60 000 ans, et presque 30 000 ans d'occupation, ou 40 000, et à Crevene-Stigena, en Croatie, dans lequel on a aussi une occupation très prolongée Néandertal. Et dans ce site-là, les récurrences d'utilisation du feu sont tellement impressionnante. Vous arrivez, vous voyez 60, 70 structures de combustion empilées les unes sur les autres sur un profil stratigraphique. Vous commencez à travailler dans ces abris, dans ces grottes, et vous redécouvrez la réutilisation de l'espace, la façon dans laquelle ils se sont organisés. Et là, on vient à cette idée. Les feux organisent aussi la vie en commun de l'homme. Et les Néandertal, donc, ils étaient organisés comme nous. Et chose que ça serait ridicule de nier avec un a priori. Et il faut quand même travailler, faire la recherche, et faire les analyses nécessaires pour déterminer si c'est possible ou pas. Mais là, c'est le feu qui domine sur la question. Le feu organise la société, donc si on trouve les traces du feu qui organise l'espace, c'est-à-dire qu'un Néandertal était organisé socialement. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Et on va reparler largement de ce que le feu a induit dans la transformation des relations sociales, évidemment, mais pas uniquement, aussi dans l'évolution humaine. Peut-être un dernier mot sur cette question de quelle espèce d'homo a dominé le feu. Il y a tout de même une sorte de consensus pour dire qu'effectivement, s'il y a des feux qui correspondent à la période d'Homo erectus, vraisemblablement avant Homo erectus, on estime que Australopithèque, lui, est a priori exclu. Voilà. Ou est-ce que c'est une exclusion, là aussi, de facto, qui peut être tout à fait contredite par une prochaine découverte archéologique ? On est largement avant, c'est une échelle de temps tout autre. On est à plusieurs millions d'années, alors qu'on parlait juste avant de quelques centaines de milliers d'années, donc c'est pas du tout la même échelle. En science, on peut jamais exclure, a priori, évidemment. Mais pour le moment, on n'a vraiment pas d'éléments remontant aussi loin. Il y a quand même débat pour des périodes au-delà d'un million d'années avec les Homo erectus plus anciens. Donc, le débat, pour le moment, il est plutôt à cette période de temps-là. Au-delà du million d'années, pour les Homo erectus ou ergaster classiques, savoir si déjà il y a une première utilisation du feu. Mais la difficulté, c'est qu'il y a très peu de gisements. Ça reste compliqué à étudier, et puisque le débat porte aussi sur la période plus récente. Alors ce qui est intéressant aussi pour la période plus récente, c'est qu'il y a une diversité d'humanités différentes dans les différentes régions où on retrouve des sites associés au feu, et c'est intéressant parce que ça rejoint la question de qui l'a fait, quand est-ce que c'est apparu une fois ou plusieurs fois. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de la domestication du feu et de l'histoire du feu aujourd'hui en compagnie de Ramiro March et d'Antoine Balzo. Ramiro March qui est préhistorien, Antoine Balzo paléoanthropologue. Alors on a évoqué le fait qu'il était très compliqué de retrouver des traces probantes de l'utilisation du feu en archéologie. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, Ramiro March, les techniques ont évolué, on n'aborde pas un site de fouille aujourd'hui avec le même regard, avec les mêmes instruments qu'on l'abordait il y a 20, 30 ou 40 ans, bien entendu. Et l'une des nouvelles techniques d'étude consiste en l'étude des suies. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez essayé de comprendre comment on va gratter les parois à la recherche précisément de ces suies qui nous donnent des renseignements précieux sur l'utilisation du feu. Oui, et cette méthode, ça s'appelle la fuliginochronologie. Vous avez appris un mot. Cette étude des suies, Ségolène Van de Velde la pratique dans la grotte Mandrin dans la Drôme. Elle est doctorante au sein de l'équipe archéologie environnementale de Sorbonne Université, et elle nous explique comment l'étude des suies, qui sont comme retenus captifs dans les couches successives de calcite sur les parois de la grotte nous renseignent sur la fréquentation de la grotte à l'échelle microchronologique, donc à un niveau de précision temporelle très rare lorsqu'il s'agit de recherches préhistoriques. Alors je travaille donc sur le site de la grotte Mandrin, c'est en moyenne vallée du Rhône, c'est à 15 km de Montélimar à peu près sur la commune de Malataverne. C'est un site qui est assez intéressant parce qu'il enregistre toute la fin du paléolithique moyen et le début du paléolithique supérieur. Donc on a la transition entre l'homme de Néandertal et Homo sapiens. Donc on a les premiers peuplements des Homo sapiens en Europe de l'Ouest qui passent donc par la vallée du Rhône comme c'est un axe de circulation. Donc là on a donc des niveaux renfermant des cultures matérielles néandertaliennes du moustérien et on a aussi ce qu'on appelle des groupes transitionnels paléolithique moyen paléolithique supérieur où on a donc l'arrivée des premiers Homo sapiens dans la cavité. Quel est votre objet de recherche dans cette grotte et qu'est-ce que vous allez observer comme échantillon ? Donc je travaille sur des petits fragments de parois qui portent à leur surface une très fine concrétion qui fait souvent moins d'un millimètre. Et en fait, la paroi se délite au fur et à mesure du temps et pendant les occupations humaines. Donc sur ces fragments, on observe des concrétions. Et dans certaines de ces concrétions, il y a des dépôts un peu noirs bleutés et qui sont des dépôts de suie. Et on se rend compte quand on coupe ces fragments et qu'on observe ces concrétions au microscope, qu'en fait, ce qui apparaît comme un seul dépôt noir à l'œil nu se résout généralement en une multitude de films de suie qui se superposent. Et chaque film de suie est correspondant au minimum à une occupation humaine. Donc comment vous allez observer ces microstrates qui sont bloquées dans ces couches de calcite et qu'est-ce que vous essayez de comprendre ? Donc on réalise une coupe dans l'échantillon qui est ensuite polie et ensuite on va observer cette section polie au microscope. On peut aussi réaliser des lames minces, ce qui nous permet de voir les différentes faciès des carbonates, ce qui nous permet de voir des doublets, un peu comme les cernes des arbres, avec un doublet qui se forme à chaque année, ce qui nous permet aussi d'indexer les chroniques des films de suie qu'on va retracer sur un calendrier annuel, et donc d'atteindre une résolution microchronologique. Donc l'idée, c'est justement donc, d'étudier ces échantillons au microscope. Ensuite, on prend en photo ce qu'on observe, et ensuite, ça va être par du traitement d'image et de l'analyse d'image qu'on va essayer de retracer, de compter en fait, et de marquer la position de chacun des films de suie dans les échantillons. Ce qui nous permet de retracer pour chaque échantillon un code barre avec le nombre minimum de films de suie et donc le nombre minimum d'occupation. Et ensuite, on va prendre tous les différents codes barres qu'on a obtenus sur les différents échantillons pour les synchroniser et ainsi reconstituer la chronique totale des occupations sur ce site, marquée par ces différents films de suie. Quand on pense à la préhistoire, généralement, on envisage le temps de façon très large. On n'a jamais une très grande précision. Vous, avec cette technique-là d'étude, vous arrivez à atteindre des degrés, vous le disiez, microchronologiques. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Et voilà, qu'est-ce que vous avez pu établir comme fait à partir de ces dépôts de suie dans cette grotte ? Il y a à la fois, d'un côté, l'échelle temporelle du site. Donc, on a des niveaux archéologiques qui vont de plus de 120 000 ans avant le présent jusqu'à 42 000 ans avant le présent avec l'arrivée des proto-aurignaciens, donc ces Homo sapiens qui peuplent l'Europe. Donc ça va être du temps très long. Et par contre, dans chaque niveau archéologique, on arrive à étudier les occupations avec une résolution subannuelle à décennale, ce qu'on va appeler donc microchronologique. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus précis que tout ce qu'on peut obtenir par les méthodes de datation radiométrique. Là, l'avantage, c'est que les concrétions calcaires se forment un peu comme les cernes des arbres et généralement, on a un doublet de calcite par an. Donc ça nous permet, en fait, quand on observe la position des films de suie dans ces doublets, dans ces concrétions calcaires, de voir si les humains passent plusieurs fois par an et occupent plusieurs fois par an la grotte Mandrin et aussi à quelle saison ils vont davantage passer. Est-ce que c'est plus pendant la saison humide, là où il y a les grands cristaux, ou est-ce que c'est plutôt pendant la saison sèche ? Et donc on peut aussi avoir un nombre minimum d'occupation par an. Même en termes d'études des groupes anciens, au niveau anthropologique, on a quand même des informations sur la saison de passage qui sont assez précises et intéressantes. Autre chose qu'on a pu démontrer grâce à cette résolution chronologique inégalée pour des périodes aussi reculées, c'est justement qu'à la grotte Mandrin, on a une succession extrêmement rapide des groupes néandertaliens et des premiers Homo sapiens. En fait, on a reconstitué la séquence des occupations de tout le niveau B2, qui est un des derniers groupes néandertaliens à occuper la vallée du Rhône à la grotte Mandrin. Et puis, on a également reconstitué la chronique des occupations de tout le niveau B1. Et donc, grâce au film dessus, on a pu montrer que la séquence de synthèse entre le niveau B2 et B1, donc entre les néandertaliens et les sapiens, se chevauchait partiellement. Ce qui nous a permis de voir qu'on avait une continuité de la séquence, qu'on n'avait pas de hiatus, de rupture entre les deux niveaux. Et on a pu voir que, justement, la succession entre les deux groupes culturels était extrêmement rapide. Et on n'a pas non plus de mélange archéologique des couches. Hein, elles sont bien séparées, mais il y a une succession très rapide. Ce qui n'exclut pas qu'ils aient été contemporains sur le même territoire, voire dans le même site. Parce que là, c'est vraiment inférieur à une génération humaine. C'est de l'ordre de quelques années, voire de quelques saisons. Et donc ça nous permet de savoir qu'ils ont été contemporains sur le même territoire, en tout cas à l'échelle d'une génération humaine. C'est vrai que souvent quand on étudie le feu en archéologie, on va étudier les foyers. Sauf que le problème des foyers, c'est qu'ils sont sujets à tout plein de processus taphonomiques, ils vont être altérés avec le temps. L'avantage de la suie, s'il y a des concrétions actives et qu'elles ont enregistré les dépôts de suie, eh ben on peut avoir une preuve quasiment non altérée par rapport au foyer d'une utilisation répétée du feu. Et si on peut voir que c'est pas uniquement pendant les saisons sèches, mais également pendant les saisons humides, ça peut aussi donner des indices par rapport à la maîtrise du feu jusqu'à son allumage, c'est-à-dire que dans des situations où il est moins probable de récupérer du feu naturel, donc pendant les saisons chaudes et les saisons sèches. S'il y a également des dépôts de suie dans des saisons froides, des saisons humides, ça donne un indice comme quoi c'est bien les humains qui ont fait le feu et qui ne sont pas allés le récupérer. En fait, le gros problème, c'est que c'est peu étudié et l'idée, c'est un peu de présenter ça le plus largement possible pour faire connaître la méthode, pour que justement il n'y ait plus de perte d'informations et qu'on ait plus d'informations avec cette haute résolution temporelle qui est inespérée pour des périodes si reculées comme la préhistoire. Voilà le reportage du jour sur l'étude de ces suies. Je ne prononcerai pas le mot qui a brillamment... Fuliginochronologie. La fuliginochronologie. Une réaction à ce que vous venez d'entendre. On arrive à des niveaux de précision chronologique tout de même extrêmement pointus. Et par ailleurs, on arrive, comme on vient de l'entendre aussi, à discriminer l'étude et l'utilisation qui a pu être faite du feu manifestement dans ces grottes. Qu'en pensez-vous, Rémi Omarch ? C'est passionnant. Dans les faits, dans tous nos cheminées, il y a de l'information sur ce qu'on a fait. On le sait depuis des années. La police utilise nos cheminées pour savoir qu'est-ce qu'on a brûlé dedans quand il y a un phénomène de policier. Donc, c'est le feu est encore la principale méthode de chauffage au monde. Hein, c'est ça. Donc, arriver à trouver les traces des suies au sein des grottes et pouvoir déduire des informations sur le comportement humain, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est très intéressant. Je ne sais pas parce que je ne connais pas les calages chronologiques exactement. Elle n'a pas décrit dans le reportage comment elle fait le calage chronologique entre les couches archéologiques et les datations des différentes couches de suie, parce qu'ils sont microscopiques. Donc là, il faut vraiment de l'accélération pour arriver à avoir une datation et que les dates puissent se faire par accélération. En carbone 14, je parle, etc. Ou il y a d'autres méthodes qui sont appliquées. Ça, par contre, je vous pose la question. On va se renseigner, on demandera à la chercheuse, en l'occurrence, une réaction Antoine Balzo à ce reportage et à la précision tout de même des informations qu'on arrive à sortir de ces traces de suie. C'est très précis et l'intérêt, c'est de pouvoir contextualiser après avec de nombreuses autres informations. Alors, un mot qu'elle a mentionné qui est très intéressant, c'est que cette approche-là permet d'éviter une perte d'informations et c'est sûr qu'on ne s'est pas intéressé à ces données-là auparavant. Alors, c'est un cas exceptionnel aussi. Mmh. Il faut que le feu soit dans des conditions où il y a des plafonds pas trop loin, qu'il y ait de la calcite qui se dépose, qu'on puisse enregistrer tout ça, le retrouver après. Donc voilà, là, ils ont un site extraordinaire qui fonctionne très bien. Mais l'intérêt, c'est d'apporter une nouvelle source d'informations et qui vont s'intégrer dans tout un ensemble de données pour aller encore plus loin dans ce qu'on peut déduire. Et c'est ça ce qui est le plus grand progrès dans nos disciplines, en fait. C'est qu'on a des approches beaucoup plus complémentaires qu'auparavant. Avant, on fouillait rapidement les sites, on avait des informations qu'on interprétait relativement rapidement. Et là, ça va être presque comme une enquête policière, un détail d'informations avec des techniques très perfectionnées qui individuellement auront un intérêt peut-être limités, mais qui, combinés, permettent d'aller tellement plus loin dans la connaissance des hommes préhistoriques. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Light by Fire, pas la version des Doors, mais d'Etat James pour cette émission consacrée à la domestication du feu. À 16h36 sur France Culture, nous parlons donc du feu, de comment le genre homo l'a maîtrisé, l'a capturé, l'a domestiqué. Est-ce que le feu en retour, et c'est ce dont nous allons parler maintenant, a pu le faire évoluer physiquement, socialement? On va l'évoquer tout de suite en compagnie de Ramiro March, qui est préhistorien chargé de recherche CNRS au Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et Histoire de l'Université de Rennes, et Antoine Balzo, paléoanthropologue chargé de recherche CNRS et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc sur cet aspect accélérateur évolutif du feu, qu'en pensez-vous, Antoine Balzo? Quel est votre point de vue de paléoanthropologue? Est-ce que effectivement cette capture, cette domestication a été un moteur évolutif, une locomotive évolutive pour le genre homo tel qu'on peut le lire ici et là? Voici une immense question, un débat sans fin. Et en pensant à ça, j'ai trouvé un parallèle assez amusant. Ça revient un petit peu à la question de la poule et de l'œuf, à savoir qui a paru en premier. Est-ce que c'est la capacité de faire le feu qui a permis de faire le feu, ou est-ce que parce qu'il y a eu le feu, on a eu une intelligence plus grande et donc de plus en plus de capacité pour le maîtriser? La poule et l'œuf, c'est une question presque philosophique. D'un point de vue scientifique, la réponse est facile. Les oiseaux sont très récents, les œufs existent depuis très longtemps, donc les œufs sont bien antérieurs aux poules. Eh bien, pour la question du cerveau ou du feu, eh bien, on peut avoir le même genre de réponse, en fait. Dans les faits, on a plusieurs espèces d'hommes préhistoriques qui ont été capables de maîtriser le feu. On ne sait pas si c'est simultanément, si c'est un petit peu avant, etc. Mais ça montre aussi que c'est quelque chose qui est partagé. Il n'y a pas une seule humanité qui a pu utiliser le feu. Et si plusieurs espèces ont été capables de le faire, d'un point de vue biologique, ça semble plutôt tendre vers l'idée qu'ils en avaient tous les capacités biologiques, intellectuelles, le cerveau qu'il fallait pour avoir les compétences, pour développer ce genre de choses. Le parallélisme complet en biologie, c'est quand même plutôt rare. C'est plutôt des choses partagées. Donc si ces hommes avaient les capacités cérébrales pour pouvoir maîtriser des choses complexes comme prendre le feu naturellement ou le fabriquer, on n'a pas encore conclu là-dessus, c'est probable que le cerveau soit apparu avant le feu. Mais qu'a posteriori, ça a quand même été un moteur important, parce que ça impliquait plein de transformations. C'est aussi la difficulté dans la question, c'est qu'on a souvent résumé l'évolution de l'homme à des moments clés. L'apparition du genre homo, c'était l'idée, l'outil arrive, le cerveau est asymétrique, puis après il y a le feu, c'est le fameux moteur. Maintenant, on sait que les outils, c'est antérieur. Aujourd'hui, on sait aussi que les asymétries du cerveau liées au langage, à la latéralité manuelle, elles sont partagées avec les grands singes. C'est une base anatomique qui existe depuis des millions et des millions d'années. Le feu, c'est probablement la même chose. C'est quelque chose qui doit être possible techniquement, intellectuellement, bien avant, mais qui a permis des développements après sociaux qu'auront pas forcément une marque physique évidente tout de suite. Et dans les faits, justement, si on regarde les hommes préhistoriques à 400 ou à 800 000 ans ou à toutes ces époques où on pense qu'il y a du feu, ben on voit pas de transformation majeure. Cette idée que d'un seul coup le cerveau devient plus gros, d'un point de vue paléanthropologique, on l'observe pas, simplement parce que c'est pas arrivé. Pour le coup, l'être humain reste le seul animal à savoir ne serait-ce que capturer le feu. Je maîtrise pas bien l'éthologie de tous les animaux. En fait, il y a une remarque. Quand tu dis capturé, tu dis domestiqué. Domestiqué. Voilà. Domestiqué, oui. Et effectivement, il n'y en a pas de preuve d'animaux qui auraient domestiqué le feu. Mais l'utiliser, non. Il y a même des oiseaux qui suivent le feu et qui savent s'en servir pour leur alimentation. Et qui récupèrent les proies qui ont été affectées par le feu et qui se sont adaptées à ça. En plus, ils ont des comportements sociaux qui suivent ces phénomènes de feu. Et les grands primates, on sait qu'ils ont un peu une relation avec le feu qui montre aussi parfois la peur au feu et qui sont aussi sur s'en servir. Donc, pas la domestication du feu, mais oui, l'utilisation. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est par rapport à cette évolution humaine. Nous, on a largement discuté sur ce processus en préhistoire, mais en plus, on a assimilé ces transformations de l'homme à un mode de production, en fait. Aujourd'hui, on discute sur les changements sociétaux qu'a produit la production du feu et les rôles qu'avaient l'homme et la femme au sein de ces sociétés. C'est qu'a fait un large débat avec Bagram, dont on en parlera. J'étais en train de chercher la date de publication de son ouvrage, Catching Fire, How Cooking Made Us Human. C'est 2009. C'est ça. Voilà, Richard Wrangham qui a publié cette thèse qui a fait tout de même beaucoup parler d'elle, à savoir, finalement, c'est le fait... Ce fait qui est lié à la domestication du feu, c'est-à-dire le fait de cuisiner, de sortir de l'alimentation crue, d'être capable de cuisiner, de cuire des aliments, qui a provoqué, qui a été en tout cas un moteur évolutif. Que pensez-vous de cette thèse, Antoine Balzo? ça dépend en partie de ce qu'on entend par moteur évolutif. Je vous le disais juste avant, d'un point de vue anatomique, peut-être qu'en ayant des informations plus détaillées dans l'avenir sur le registre fossile, sur l'apparition du feu, on se rendra compte qu'il y a une modification de l'anatomie en corollaire avec cette expansion du feu. Là, pour le moment, c'est pas du tout visible. Pour moi, il n'y a pas de corrélation, pas d'augmentation du cerveau. Des hommes différents avec des cerveaux de taille différente ont maîtrisé le feu. Wrangham parle de la diminution de la taille de la mâchoire, donc des muscles masticatoires, donc d'une libération de pression sur le crâne. Est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est une hypothèse un peu fragile, dirons-nous? C'est un raisonnement qui est porté depuis longtemps et qui est attendu au même titre que c'est Homo habilis qui est le premier à avoir fait des outils. Quand on a trouvé les premiers outils, c'était en effet Homo habilis. C'était un raisonnement logique qu'on avait bâti nous-mêmes. Cette idée que le feu induirait la diminution des mâchoires, c'est quelque chose qu'on a plus construit d'un point de vue théorique qu'observé d'un point de vue anatomique. Je ne crois pas avoir vu un papier démontrant qu'il y avait une réduction réelle des mâchoires au cours de l'évolution humaine avec l'apparition du feu. De toute façon, on a tellement peu de traces du feu que ce serait, d'un point de vue scientifique, assez discutable de le faire réellement. Et puis, non, en fait, objectivement, c'est pas flagrant. Les mandibules d'Homo erectus de Néandertaliens sont variables, ont des robustesses et des structures qui sont différentes, et il n'y a pas de diminution de leur structure, de leur épaisseur, avant ou après l'utilisation probable du feu. Le petit parallèle qui est fait, là encore, dans cette idée-là, c'est toujours le parallèle qui est fait avec Homo sapiens, maître du monde et supérieur maître à tous les feu, autres. Maître du feu, donc maître du monde. Voilà, c'est que Homo sapiens a en effet globalement une face plus réduite que les espèces antérieures, même si c'est anatomiquement un caractère plutôt primitif. Donc l'idée, c'était, puisqu'Homo sapiens arrive et qu'il y a le feu et qu'on a une plus petite mâchoire, le feu nous a fait nous. La thèse de Wrangham va plutôt dans le sens inverse. Hein. Elle a plutôt tendance à faire remonter le feu beaucoup plus loin, jusqu'à 2 millions d'années, et en disant que c'est un moteur évolutif qui conduit à Erectus, à Ergaster, et Erectus à évoluer vers Sapiens Ramiro March. Oui, en fait c'est tout le débat. Et quand Wrangham a commencé à présenter ses travaux, et les préhistoriens ils sont tout de suite sautés au plafond en disant qu'il n'y en a pas de preuve de l'existence de ce feu pré-hominidé ou hominidé au tout début. Donc comment on va pouvoir prouver, situer ce moment? Par contre, ça a été un moteur des discussions et des débats scientifiques qui est très intéressant, parce qu'il a provoqué la communauté scientifique avec cette argumentation, à aller chercher des informations sur ça, plus loin qu'on les cherchait avant, et à la fois à discuter sur ça. Et il est vrai qu'il y a plein d'articles qui citent cette référence que tu évoquais tout à l'heure, l'augmentation de la taille du cerveau, on peut les lire dans Goulet, par exemple, il fait référence à ça, et la diminution de la mâchoire aussi, les liquets parler de ces changements aussi à un moment donné. Et donc, tout ça est rentré dans une construction de l'humanité à travers cette feu. Mais ce problème-là est relié à notre propre culture aussi. La culture universelle considère le feu comme quelque chose qui nous a démarqué de la nature. Et de l'animalité. Il y a entre les anthropologues sociaux, il y a cette discussion aussi, et les ethnologues. Donc, ça fait partie de notre propre mythe constructeur. Donc, la société s'est construite comme ça, et il n'est pas étonnant qu'on se reflète dans le passé, qu'on disait tout à l'heure, en cherchant notre propre construction de l'humanité dans les temps préhistoriques. À défaut d'avoir des preuves, effectivement, de cet œuf, ou de la poule, en tout cas, de cette problématique, de savoir si c'est le feu qui a forcé qui a fait sauter des verrous physiologiques de l'évolution ou pas, il y a en tout cas quelque chose qui semble relativement plus simple à attester, c'est la fonction sociale du feu. Antoine Balzo. À discuter, à tester la fonction sociale du feu, c'est compliqué parce que ça ne laisse absolument aucune trace. Donc c'est assez circulaire. À tester, t'es mal choisi, je le conseille. En tout cas, projeter, disons. Le feu, c'est une lutte contre les températures, c'est une lutte contre l'obscurité, c'est pouvoir rentrer plus profond dans des grottes, ça sont des éléments quantifiables. Le fait que des hommes sont allés plus au nord après l'utilisation du feu, ça s'observe d'un point de vue archéologique. Le fait que des hommes se soient déplacés dans des milieux souterrains, par exemple à Bruniquel, évidemment, sans le feu, ça aurait été très compliqué. 300 mètres à l'intérieur, ouais. Nickel. Donc sans feu, ça paraît... Déjà, juste avec des torches, c'est courageux. Moi, je ne pense pas que je m'y aventurerais juste avec un bout de bois allumé, parce que j'aurais un peu peur du chemin retour. Donc ça montre des capacités techniques certaines. Par contre, arriver à comprendre la vie sociale, les relations, s'il y a réellement un développement, comment ça se passe, c'est difficile. J'ai lu et je vous le soumets à votre avis l'idée que le feu ça permet évidemment donc la cuisine, ça permet d'éloigner les prédateurs, ça permet aussi de plus se caler sur le lever du soleil et le coucher du soleil, ça permet de prolonger l'activité de façon nocturne, ce qui est très compliqué, plus compliqué avant, même si par les soirs de pleine lune on voit certainement relativement bien, ça crée tout de même un foyer, le mot foyer, alors là aussi c'est peut-être de l'anthropocentrisme, mais le mot foyer vient bien de cette racine-là. Oui, mais comment dire, d'un côté, il y a l'anthropocentrisme, mais il y a aussi les vrais récits des groupes ethnographiques actuels qui sont encore chasseurs-cueilleurs et qui racontent cette sociabilité autour du feu et qui racontent leurs liens et comment ces liens se renforcent autour de ça. Il y a des recherches ethnographiques récentes qui sont travaillées sur des peuples qui vivent encore dans ce mode de production et qui ont permis de montrer ce lien de sociabilité et aussi les récits oraux qui racontent cette adaptation, comment le feu a été trouvé, qu'est-ce que ça modifie dans leur propre groupe, etc. etc. Donc il y a deux. Il y a notre anthropocentrisme, mais aussi notre propre histoire. Alain Testard disait toujours, il ne faut pas faire de l'histoire avec les mythes. Et les mythes, c'est les mythes, il ne faut pas qu'on fasse de l'histoire avec eux. Et de l'autre côté, on cherche toujours à aller écouter ces groupes, voir comment ils vivent, qu'est-ce que ça a changé chez eux. Et les modes de production et activité, hommes, femmes, Bangram utilise ça souvent pour évoquer cette différenciation des modes de production. La division sexuelle du travail, pour lui, émerge avec l'utilisation du feu, tu vois, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est très, très fort. Vous êtes dubitatif, Antoine Balzo, ouais. Vous avez l'air dubitatif. Non, c'est que forcément, plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile d'interpréter des choses, même de, de pouvoir coller quelque chose. J'avais lu un article qui est assez amusant, qui démontrait l'existence du Yeti en faisant de l'archéologie des mythes, en fait. En partant un petit peu comme travail des gens en linguistique sur les ressemblances des mots, remonter pour voir l'origine d'un mot. Et ben là, c'était un chercheur qui était parti sur les différents mythes qui existent autour de primates gigantesques et qui, en faisant exactement avec la même technique, arrivait à remonter une période qui était autour de 50 à 100 000 ans en Asie centrale. Or, à cette époque-là, on sait qu'il y avait un singe qu'on appelait le gigantopithèque, qui devait mesurer à peu près 3 mètres de haut, qui vivait. Et donc, c'était une démonstration que des hommes de notre espèce avaient croisé cet homme-là, se l'étaient raconté autour du feu, et que ces mythes étaient arrivés dans différents peuples d'aujourd'hui. Alors évidemment, si on résume juste à la phrase « on a démontré l'existence du Yeti comme ça », c'est pour ça que c'est un mythe, ça nous fait rire. Mais c'est une démarche scientifique exactement la même que celle qui est utilisée en linguistique. Et donc c'est une base qui est scientifique, qui est intéressante. Le fait que le gigantopithèque ait existé, c'est indéniable, mais ça montre aussi combien c'est compliqué quand on va remonter de plus en plus loin dans le temps. Tout ce qui est comportemental, tout ce qui est lié aux passations d'informations, bah avant l'écriture, ce n'est que le langage, c'est donc la mémoire collective. Évidemment, avant notre espèce, on peut difficilement imaginer trouver des traces de choses plus anciennes. Donc remonter déjà à 100 000 ans, ça paraissait inimaginable. Certains ont tenté d'expériences, le démontrent scientifiquement. C'est amusant et c'est intéressant d'un point de vue scientifique, mais arriver à extrapoler au-delà de ça les comportements et les modes de vie sociaux, c'est quand même très compliqué. En un mot, pour conclure, on peut tout de même inférer un certain nombre de choses. Par exemple, quand on prend justement la grotte de Bruniquel que vous évoquiez, ou les peintures rupestres avec des pigments qui sont utilisés, qui sont travaillés au feu, on peut lier en tout cas une certaine forme d'activité sociale ou symbolique, liée en tout cas à l'utilisation ou à la pratique d'une domestication du feu. En fait, ça dépend comment on prend ces exemples. Bruniquel ou même les preuves d'art liées à Néandertal, puisque ça a été un débat ces derniers temps. Au-delà de ce que ça nous montre sur leur capacité, ça nous montre surtout que nous, chercheurs d'aujourd'hui, avons peut-être trop d'a priori en excluant des capacités aux autres du passé. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être prudent quand on cherche à comprendre que des Néandertaliens aient fait 300 mètres pour faire une fiesta en cassant des stalagmites et en utilisant le feu. C'est passionnant, c'est intéressant, c'est une preuve de leur comportement, mais qu'on n'est pas capable d'interpréter. De la même manière, les traces d'ocre rouge qu'ils laissaient sur les parois, ça semble scientifiquement démontré maintenant. Y trouver un sens ou discuter si c'est de l'art, bah c'est sans fin, on n'y arrivera jamais. Donc commençons déjà par recueillir beaucoup de données de plus en plus loin et de plus en plus précises pour mieux comprendre ce qu'ils ont été capables de faire. Ramiro Marche, pour conclure. Oui, en fait, moi je voulais dire, l'évolution de l'homme et cette signification sociale et symbolique du feu est prouvée dans notre propre histoire. C'est-à-dire que c'est notre propre... Le Laurent a parlé du démiurge enchaîné avec l'évolution et le contrôle du feu. Il disait, bon, l'homme a d'abord fait le feu, après il a transformé les céramiques, il a fait le fer, on a fini pour transformer le silice, etc. Les montées en température. Les montées en température sont reliées à toutes les avancées technologiques et cet homo energeticus, on pourrait dire. Homo pyromanus. Oui, depuis le début. Et il s'est tellement enchaîné à sa création qu'il est au point de détruire sa planète à cause de sa création. Parce qu'on est en train de produire du CO2 à cause de la combustion qui est en train de générer, vous le savez tous, hein, le réchauffement climatique planétaire, etc. Il n'arrive pas à se défaire de ce mode de vie lié à cette énergie. Et c'est là qui devient super intéressant notre problème. Le feu début et fin de notre civilisation, c'est un vaste débat que nous aurons à l'occasion d'une autre émission, puisqu'à 16h53, c'est l'heure, comme tous les jeudis, de retrouver la Bibliothèque des Sciences. Un historien ou une historienne des sciences nous parle des livres qui ont marqué l'histoire de la littérature scientifique. Aujourd'hui, c'est Antonella Romano qui évoque l'histoire naturelle de Buffon. La Bibliothèque des Sciences. Alors, il y a des œuvres qui sont énormes, qui sont colossales, non seulement par leur taille, non seulement par les sujets qu'elles touchent, mais aussi par l'investissement, l'enquête dont elles sont le résultat. Et le XVIIIe siècle, souvent associé aux Lumières, le XVIIIe siècle a eu cette capacité à engendrer des œuvres considérable pour rester en France. On peut penser à Buffon. Buffon, qui est un personnage extraordinairement riche, il est difficile de lui associer un seul épithète. Il est philosophe, il est spécialiste d'histoire naturelle. C'est lui qui a laissé cette œuvre tout à fait impressionnante hein, de l'histoire naturelle, composée de textes et d'images dont aujourd'hui encore on continue à les étudier. Ce qui m'intéresse dans la lecture non spécialisée de Buffon, c'est cette réflexion qu'il met en œuvre dans une langue superbe sur ce que c'est que l'histoire naturelle. Comme dans l'histoire civile, on consulte les titres, on recherche les médailles, on déchiffre les inscriptions antiques pour déterminer les époques des révolutions humaines et constater les dates des événements moraux. De même, dans l'histoire naturelle, il faut fouiller les archives du monde, tirer des entrailles de la terre les vieux monuments, recueillir leurs débris et rassembler en un corps de preuves tous les indices des changements physiques qui peuvent nous faire remonter aux différents âges de la nature. Cette petite présentation correspond à un texte qui, pour moi, mélange plusieurs gestes dont l'importance est fondamentale. Le premier geste, c'est celui de l'affirmation de ce que la nature a une histoire. Alors, ça peut paraître totalement banal aujourd'hui, ça peut paraître très en lien avec les préoccupations environnementales de nos sociétés contemporaines, mais une manière extrêmement différente de regarder ce que c'est que cet objet de terre. Et dire la terre a une histoire, c'est produire un geste extrêmement radical qui, d'une certaine manière, a pour conséquence de mettre totalement en défaut l'idée de la création. Et du coup, de renvoyer ce texte à l'une des expressions d'une cosmogonie, alors c'est moi qui pousse le trait évidemment, mais qui pourrait être comparée à bien d'autres cosmogonies, et du coup à faire basculer du côté de ce qu'il dit, hein, avec ces mots, l'observation, la reconstitution des archives du monde. Oui, le monde a une histoire, et cette histoire, ça n'est pas un récit mythique, mythologique, mais à travers des archives, et donc à travers des faits, que l'on observe, que l'on relève, que l'on cherche à identifier, comme, et c'est la seconde raison pour laquelle ce texte me paraît extrêmement intéressant, comme le font les historiens qui fouillent le passé de l'humain. Et il y a donc ici une proposition de type épistémologique qui consiste à dire: le modèle du naturaliste, c'est l'historien. Et c'est évidemment une manière de réfléchir au rapport entre les sciences dures et les sciences humaines, qui est totalement éloignée de celle que nous avons, nous, l'habitude d'adopter, où le modèle scientifique, on va le trouver, et les protocoles, scientifiques, on va les trouver du côté des sciences dures, et où du coup les sciences humaines, les sciences sociales seraient définitivement à la remorque de ces sciences dures. Or ici, avec ce texte, on a une proposition où la recherche du modèle épistémologique, elle est du côté d'une science qui se pratique depuis un certain temps et que Buffon, comme beaucoup de ses collègues, connaît, pratique, lit, qui est l'histoire. Et voilà comment sa bibliothèque des sciences, hein, c'est une bibliothèque qui ne peut pas ne pas inclure les sciences sociales. Voilà la bibliothèque des sciences que vous pouvez retrouver comme toutes les semaines sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci beaucoup à mes deux invités du jour. Merci Ramiro Marche, merci Antoine Balzo, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Sarah Ijemans, Yenab Sangaré à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. À demain à 16h jusqu'à 1h.